Sont-ils des geeks? Sont-ils fanboys? Sont-ils des otaku? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. Amis des Potes Calés, bonjour. Aujourd'hui, un petit hors-série. Plutôt un gros hors-série sur une franchise où, dont le premier film est sorti en 1954 et qui continue à produire des films jusqu'à nos jours. Alors pour les connaisseurs, je suppose que vous avez deviné de quoi on va parler. On va parler du fameux kaiju le plus connu de l'univers du Monsterverse. On va parler de Godzilla. Donc Godzilla, une énorme licence en fait, hein, très marginale quand même en Europe, voire même marginale aux États-Unis. Premier film sorti en 1954, donc film sorti par la compagnie Toho, que Fabien a quelques anecdotes à nous raconter sur la Toho. Alors la Toho, pour la présenter succinctement, c'est une compagnie qui a produit beaucoup de films de monstres. Alors on connaît Godzilla, on connaît aussi ses adversaires et aussi ses alliés. Il y a aussi King Kong qui a été intégré là-dedans. Mais la Toho aussi, c'est une société qui a produit beaucoup de films d'un grand réalisateur japonais, Akira Kurosawa, dont on connaît bien sûr Les Sept Samouraïs, qui est sorti en 1954. Et un autre film que tout fan de Star Wars doit connaître, c'est La Forteresse Cachée, et qui est en fait une inspiration pour l'art narratif de C-3PO et de R2-D2 en fait. Donc Godzilla, monstre créé donc en 1954 par Ichiro Honda. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Godzilla? Ben, en 1954, moins de 10 ans après la catastrophe de Nagasaki Hiroshima, en fait les Japonais ont été littéralement dévasté psychologiquement et très craintif par rapport aux armes nucléaires. Et donc Ichiro Honda s'est dit, et si jamais la nature nous en voulait en fait, par rapport à tout ce que l'humain, pas attention, pas les Japonais forcément, tout ce que l'humain a fait, etc. Et en fait, il a eu l'idée de créer une force de la nature. Donc voilà, Godzilla, qui devait être à l'origine un mélange entre un dinosaure et une baleine. Donc Godzilla, là, le design qu'il a, c'est entre un tyrannosaure et une grosse baleine. Donc voilà, Ichiro Honda aimait les deux et il s'est dit, je vais créer un monstre. Sans trop y croire au début. Et pour finir, en fait, c'est la Toho qui l'a poussé à écrire une œuvre qui pourrait nous apporter une réflexion, enfin plutôt apporter une réflexion au peuple japonais qui était enfin, très friand de revanche. À dire, certes, la nature, on l'a défiée, mais si la nature nous défie, voilà, on s'en sortira pas. C'était tout à fait ce que voulait raconter donc Ichiro. Et il voulait absolument aussi nous annoncer que bah, les solutions qu'on a trouvées pour contrer la nature sont pires que le mal, certaines fois. Donc Godzilla de 1954, bah, c'est un immense, donc pas un saurien, hein, donc une baleine dinosaure qui attaque Tokyo, parce qu'elle a été réveillée justement par les attaques de Nagasaki et Hiroshima, elle a été réveillée par une secousse hors norme, hors nature, et donc Godzilla arrive et détruit tout, littéralement. Il n'est pas content d'être réveillé, donc c'est un animal, c'est un dieu, c'est un kaiju, et il arrive et il dévaste Tokyo. Alors là, après, on voit un peu ce que les humains essayent de mettre en place pour contrer ce Godzilla, des barrières électriques, des tanks, tout ce que l'humain fait de pire comme arme, etc. Et rien n'y fait, rien, rien, rien, rien, rien, rien. C'est-à-dire que Godzilla traverse tout, voilà, c'est lui le personnage, c'est lui le boss, il était là avant tout le monde, et bah, il défonce tout le monde, pas d'état d'âme, il avance inexorablement, comme la nature avance inexorablement au niveau de la race humaine. Et à la fin, donc, ils arrivent quand même à détruire ce Godzilla grâce à une invention, alors dit dans le film japonais, mais pas dans le film américain, une invention plus puissante qu'une bombe atomique. Un synthétiseur à oxygène, c'est-à-dire que, comme Godzilla est une créature marine dans la mer, ce synthétiseur arrive à désynthétiser tout l'oxygène présent dans la mer et à faire fondre littéralement Godzilla. Le film après s'arrête là-dessus avec donc un scientifique qui se suicide avec sa machine pour que personne ne puisse jamais la réutiliser. Donc voilà, là ça montre bien le traumatisme des Japonais, c'est-à-dire ils sont traumatisés à l'idée d'utiliser une arme puissante et ils veulent montrer que bah, en fait Oppenheimer, il aurait mieux fait de se tuer plutôt que d'accéder en fait encore plus de destruction, plus d'armes, etc. Donc là voilà, le premier Godzilla c'était vraiment une allégorie japonaise comme les Japonais savent le faire. Nous occidentaux en 1954 c'est quelque chose qui nous a échappé hein, parce que bah, pour nous on était les vainqueurs. Les occidentaux, c'est ceux qui ont la maîtrise du feu nucléaire et c'est les vainqueurs. Donc ils n'ont pas compris. Pour eux, c'était juste un monstre qui casse la tête à tout le monde et qui meurt à la fin. Ouais, tu dis que bon, au Japon, c'était le spectre de l'arme nucléaire, en fait. Pendant qu'en Occident, on était plus focalisé dans une science-fiction sur la menace communiste, c'est-à-dire qu'elle se manifestait plus dans l'extraterrestre qui voulait envahir la Terre et prendre en fait l'identité des terriens. Je peux mettre un petit peu aussi en parallèle cette histoire on a deux peurs qui sont mises en parallèle, je veux dire, et qui reflètent un peu les angoisses de la société finalement. Oui, et on va repartir sur les extraterrestres dans un prochain plan. Les Japonais ont aussi peur du communisme. On va voir quelques passages avec les extraterrestres, justement, qui doivent représenter cette sournoiserie communiste. Ah, attention, messieurs les communistes, ne le prenez pas mal. C'est la vision cinématographique, hein. C'est pas notre vision personnelle. Ouais, c'était le communisme d'antan, quoi. C'est pas le même que le maintenant. Faut pas se méprendre, je veux dire. Pour dire, c'est que le film de 54 a quand même lancé la mode des 4 joues et gars, quoi. C'est ça, en fait. Et ça a été une mode surprise. Bon, il y a eu un film avant de Kaiju avant Godzilla, je me rappelle plus le titre, c'était avec une créature qui sortait de la mer, etc. C'est là où Ichiro Honda s'est dit, cette créature représente rien. En fait, elle ne représentait rien, c'était vraiment une créature qui arrivait, qui cassait tout et qui repartait. Ichiro Honda voulait vraiment impacter le mental de son peuple, enfin de ses compatriotes, et faire quelque chose qui impressionne et qui est littéralement instoppable. Donc une force de la nature. Est-ce qu'à ton avis, il n'a pas aussi un petit peu été influencé par le King Kong de 33 Bah, Ichiro Honda a toujours dit, le monstre, plus il y aura de monstres, plus il y aura de cash. Donc oui, il a été inspiré, je sais pas, mais en tout cas, il voulait vraiment quelque chose qui représente une force de la nature, mais il voulait surtout représenter quelque chose, on peut pas s'y attendre. Godzilla, c'était quelque chose d'inconnu, tu vois. Un saurien, mi-baleine, mi-dinosaure, hein. On doit bien rire de lui d'ailleurs, les scénaristes, quand ils ont eu le scénario en main. Mais il voulait vraiment quelque chose qui ressemble à rien. King Kong, ça ressemble à un gros singe. Forcément, c'est un gros Un singe. gorille, ouais. Godzilla, voilà, quelque chose d'inconnu qui ressemble à rien, qu'on ne connaît pas et qu'on ne peut pas du tout appréhender. On ne le connaît pas, on ne sait pas ce que c'est. Et donc en 1954, Eiichiro Honda l'a toujours avoué dans ses interviews, il ne s'attendait pas à ce que Godzilla devienne une icône. C'est quelque chose qu'il n'a pas compris tout de suite, mais qu'il a bien exploité par la suite. Et on va en revenir après à toute la saga. On va pas vous faire le descriptif de tous les films, sinon il nous faudrait une cinquantaine de podcasts. Mais voilà, on va revenir sur toute la saga Godzilla, les tenants et les aboutissants, et ce que représente Godzilla, ses ennemis, ses amis, ses alliés. Et ses pires ennemis qui sont les humains. À propos de Godzilla, on va parler de l'acteur derrière le costume, parce que y a un acteur effectivement qui en a bien bavé, hein, faut l'avouer. Et cet acteur, c'est Haruo Nakajima, qui portait effectivement un costume qui a approché, on va dire, les 100 kilos de latex. Il a incarné le monstre une douzaine de fois, entre 1954 et 1972, et on peut dire que il y a eu pas mal d'incidents sur les différents tournages, et notamment, tu me disais tout à l'heure, le costume apparemment s'est enflammé, et peut-être que tu veux nous raconter cette anecdote. Donc dans un film de Godzilla, bon je serais pas vous dire lequel, hein, c'est une référence que j'ai pas forcément, mais je sais qu'à un moment on y voit un Godzilla en flamme. Mais vraiment une scène prenante, hein. On dit waouh, super bien fait. En fait, c'est pas un effet spécial, c'est un effet réel. C'est-à-dire que le mec avait un effet pyrotechnique, il s'est approché un peu trop près comme Michael Jackson des effets pyrotechniques et il a cramé. C'est-à-dire qu'ils ont failli cramer Nakajima. Ah ouais. Donc et ils ont gardé ça au montage et ouais, devoir se promener dans un costume de 100 kilos, ça a posé quelques soucis. Alors pour Godzilla, ça va, ça passe. Hein. 1954, les effets passent. Parce qu'il y avait des effets de caméra, des contre-plongées, etc. Et en fait, Ichiro Honda avait dit je veux faire un film, mais je veux pas mettre le même budget que ceux qui ont fait en 1933. Donc pas une mécanique énorme, des bras qui bougent, qui étaient faits en mécanique, qui étaient montés en post-prod, etc. Pas d'effets spéciaux, grands effets spéciaux, mais vraiment un mec dans un costume. Ouais, tu veux dire, il n'y a pas de stop motion, quoi. Pas de stop motion. Ben, c'est pas qu'il voulait pas, c'est que c'était trop cher. 1954, ils se relevaient à peine de la guerre. Il faut se replacer dans le contexte, c'était quand même un pays ruiné. Et bah voilà, ils se sont dit, bon, on va mettre un mec dans un costard. Mais l'idée, en plus, en fait, sur le film de 54, repris en 56 avec Raymond Burr, ça va, ça le fait. Par contre, dans la suite de la saga, bon, il y a des moments où ça le fait moins. Donc là, on va passer un peu plus sur la suite de la saga Godzilla. Tu veux dire, bon, ce que tu veux dire, ce que tu veux mettre en évidence, c'est côté pathos et un peu lourdeau du personnage, quoi. Et malheureusement Ouais. aussi artisanal. Ouais. En fait, on va prendre comme exemple le second film de Godzilla qui est arrivé, c'est Godzilla contre Anguirus, le retour de Godzilla. Et là, il y a quelque chose qui gêne, c'est-à-dire qu'on y voit donc toujours Godzilla, mais alors plus Godzilla, parce qu'il est mort. Donc un deuxième Godzilla qui arrive suite à l'apparition d'un monstre, donc Anguirus, qui est une sorte de monstre avec des pics sur le dos, qui marche à quatre pattes, etc. Et malheureusement, dans ce C'est film, pas une sorte de stégosaure une sorte de stégosaure Ouais. géant. Et dans ce film, on voit clairement qu'il y a quelqu'un qui est en train de marcher à quatre pattes dans un costume. Donc voilà, c'est bon pour 1958 de mémoire, donc ça va, ça passe. Au regard d'aujourd'hui, on s'est dit, ouais, ils auraient peut-être dû faire un peu de stop motion quand même. Mais non, Ichiro Honda, justement, a toujours resté sur sa ligne fidèle. S'il y a des effets spéciaux qui sont trop chers et qu'on peut les produire avec un mec dans un costume, on continue avec un mec dans un costume. Donc là, par contre, à partir du film de 58, là, ça devient plus de l'univers kaiju. C'est-à-dire que ça va être des monstres qui se battent contre des monstres. Voilà, là on n'a plus de ligne directive. Si, c'est toujours des forces de la nature, mais il commence à avoir une mentalité qui évolue, c'est-à-dire que là la force de la nature devient un peu plus bienveillante, et ce qui va pas être le cas tout au long de la saga. Godzilla c'est un héros et un méchant, c'est les deux. En fait c'est une force de la nature, elle a pas à être bonne, elle a pas à être mauvaise, elle fait ce qu'elle a à faire et c'est tout. Ah oui, un truc à dire aussi sur le film avec Anguirus, c'est que le premier Godzilla était tourné plus ou moins au ralenti, pour donner l'impression de lourdeur, de massivité dans le monstre. Dans ce film-là, non, c'est des acteurs en vitesse réelle, ce qui fait un Godzilla qui court et qu'on a l'impression que pas vraiment qu'il y a quelqu'un dedans qui est en train de courir vite fait, bien fait, et ça donne un aspect assez grotesque au film. Mais heureusement pour Ichiro Honda, bah, ce film a fait aussi un carton. Donc dans la saga Godzilla, il y a notamment un film ensuite qui est sorti, Godzilla contre Mothra, Mothula pour les Japonais. Et en fait là, ça prend carrément un autre tournant, parce qu'on a encore un Godzilla diabolique, hein, c'est Godzilla, et qui va rencontrer donc, alors moi j'aime bien dire sa future femme, Mothra. Et là, Mothra par contre, pour les Japonais, c'est une force de la nature bienveillante. C'est-à-dire qu'elle est là pour expliquer aux hommes les limites à ne pas dépasser, mais elle est toujours bienveillante. C'est pas quelque chose qui veut vous détruire absolument. C'est non, non. En plus, elle communique avec deux petits êtres de la taille de Tom Pouce, hein, les enfants. Donc deux jumelles, hein, qui ont été faits par un groupe de J-pop de l'époque de 1960. Je me rappelle plus de leur nom. Et en fait, là, on a un Mothra qui combat Godzilla, mais un Godzilla qui est prêt à tout casser. Et là, Mothra l'empêchera de tout casser et ce sera un match nul. Ce sera un Mothra et un Godzilla, voilà, match nul, un partout, la balle au centre, deux forces de la nature se sont affrontées, pas de gagnant. Mais justement, alors il faut bien retenir Mothra, parce que pour moi, Mothra, un peu comme King Ghidorah, c'est des monstres absolument qu'il faut connaître dans la mythologie de Godzilla, parce que on part d'un truc, on va rajouter un nouveau monstre, on va rajouter un nouveau monstre, on va rajouter un nouveau monstre, et après, bah, pour utiliser une phrase qui me plaît bien, après ça crée tout un background. Donc tout un univers, et dans cet univers, il y a quelque chose de logique qui commence à s'installer, quelque chose de préétabli. Et après, toute la licence Godzilla va surfer sur la même chose. Soit Godzilla, soit un autre, mais il y aura une force du bien toujours dans le combat, toujours, toujours dans le combat. Et ce qu'on pourra noter, c'est que dans les combats de Godzilla, mis à part Godzilla Final War, l'humain, c'est rien. Que le personnage principal, c'est soit Godzilla, soit Mothra, soit Ghidorah, soit le peuple qui vient les envahir, mais l'humain, eh ben, il se sauve jamais lui-même. Et c'est quelque chose qui est très présent dans l'esprit des films Godzilla, mis à part les derniers qui sont sortis, c'est que le héros des films, ou le méchant des films, c'est Godzilla, c'est pas l'humain. L'humain, il est là pour meubler. Avec toutes ces phases un peu bavardes, parce qu'il y a aussi des phases bavardes, hein, des fois dans ce genre de film. De toute façon, le spectateur, il est là pour voir le monstre tout casser à la rigueur, et le reste, il s'en fout, quoi. Dans le film de 54, on était là pour voir pourquoi il est là, ce monstre. Donc là, c'était plus encore, on nous le dit pas, hein, c'est vrai ce que tu dis. On nous le dit pas, hein, on nous fait comprendre. Le japonais, de toute façon, ne dira jamais clairement. Hein. Il essaiera toujours de le faire comprendre. Et après, voilà. Après, dans les films Kaiju Eiga, oui, c'est ça. C'est le but du jeu, c'est un monstre qui se bat avec un autre monstre et qui pète le maximum de bâtiments. Alors, je sais pas comment on se présente les différents bâtiments. Est-ce qu'il y a quand même un niveau de crédibilité ou est-ce que tu as vraiment l'impression que c'est l'explosion de l'ego, j'ai envie de dire Bah, alors dans un AV comme King Kong contre Godzilla, par exemple, qui est un AV assumé, hein, Ichiro Honda avait dit, hein, moi je veux King Kong dans mon film, ça fera plus d'argent. Voilà, t'as quelqu'un qui est toujours resté sur sa lignée, plus de monde, plus de cash. Et dans King Kong contre Godzilla, le King Kong fait vraiment fake. Hein. Bon, je l'ai vu avec Fabien, j'ai montré des extraits. Je peux témoigner du masque horrible que King Kong porte. Ouais, j'ai eu même l'impression de voir le masque du gorille dans Sankukai, moi. Ouais, un peu écrasé, quoi. Voilà. Ouais. Et King Kong, pareil, hein. Je sais pas, à un moment, il vole en se tenant sur sa queue, et il donne deux gros coups de pied à King Kong. King Kong lui enfonce un arbre dans la bouche, on voit tout le plastique qui décolle. Donc voilà, là on a un aspect de monstre fake. Mais par contre, les décors sont excellents. Ouais, Les c'est pas maquettes mal. sont excellentes quand ils détruisent le Parlement. Alors ce film a été adoré par les Japonais parce que les deux monstres détruisaient le Parlement qui représentait une tyrannie. Mais quand ils pètent le bâtiment, on n'a pas l'impression qu'ils pètent un Lego. Là, on a l'impression qu'ils pètent un bâtiment. Après, dans les films des années 90, Non, non, c'est Lego, c'est Lego, c'est Lego Batman. C'est. Voilà. Mais par contre, là, dans les films des années 90, les monstres sont plus. On y croit plus, sont moins fake, sont plus aboutis, etc. Mais ils savent pas faire les deux en même temps. Ouais, King Kong versus Godzilla, ou l'inverse, je sais plus. Mais ça commence un petit peu. On commence un petit peu à rentrer dans la partie nanar, quoi, quelque part. Bah, King Kong contre Godzilla, c'était pas prévu pour être un nanar, malheureusement, c'en est un. Et après, c'est vrai que là, on commence à rentrer dans une partie complètement nanardesque. Et à la fois, jouissif parce que bah voilà c'est on se prend pas la tête au Japon hein. On fait pas comme le dernier Godzilla de 2014 américain où on nous montre Godzilla en tout et pour tout 3 minutes. Non non, là on a des scènes de combat qui durent bah, 10, 15, 20, 25, 30 minutes entre Godzilla et son adversaire. Alors, je sais pas, les Japonais ça leur plaît. Alors moi, il y a un moment, je me dis, bon, ils vont finir par se mettre sur la gueule, les deux, là. Et puis, voilà. Qu'on prend, par exemple, un film contre Godzilla contre King Ghidra. Voilà. Donc, c'est un monstre à trois têtes qui dépasse Godzilla. On a une scène de combat qui dure près de 40 minutes. Ouais, 40 minutes de gros... Donc, Y a pas de dialogue, quoi. Ah si, il y a ça comme Ah dialogue. bon. Mais c'est pour ça que je te dis, voilà, Ichiro Honda, après, t'as les êtres humains entre deux qui commencent à parler au bout de 40 minutes. Ils disent, enfin, on voit des humains. Et ils parlent pour rien dire. Ils sont là pour meubler le scénario ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est un monstre de kaiju, c'est un film de kaiju, c'est pas un film d'humain, c'est un film de kaiju. Ce que je reproche au film de 2016, c'est un film d'humain. Godzilla est là pour rehausser le niveau. On en parlera tout à l'heure dans une autre partie. Donc là, on va aller sur... Allez, en gros, on va faire l'historique de Godzilla jusqu'à nos jours, mais on va plus se concentrer vraiment sur ce que les films ont voulu raconter, sur leurs histoires. Ouais. Avant, il faudrait peut-être dire que il y a 29 films japonais, Donc oui, avec. 29 films de la Toho, 2 films US... Et le long métrage Netflix qui est sorti, c'est pour ça d'ailleurs que je voulais faire une aparté sur Godzilla, sur une proposition de Fabien. Et deux films animés Netflix qui vont sortir normalement l'année prochaine et l'année suivante. Quelques problèmes de budget, mais ça, je pense que ça devrait être réglé. Et aussi le MonsterVerse Universal qui se met en place avec Godzilla. Ouais, et puis il y aura aussi, on abordera aussi un petit peu les volets comics et séries animées. Voilà, il y a eu des comics, des séries animées, quelques surprises concernant Godzilla, notamment une boîte très connue improbable qui avait racheté les droits à un moment. Alors, on fait un peu de teasing pour que vous écoutez la suite. D'accord. Et on va parler un peu de tout ça dans les différentes parties du podcast. Donc là, on va attaquer la partie, on va dire, un peu plus historique des films de Godzilla. Donc, bon, ça sert à rien d'y aller année par année ou décennie par décennie, parce qu'en fait, les films de Godzilla sont cycliques. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de neuf à chaque fois qui est produit dans un film de Godzilla. C'est toujours la même trame. Qu'il affronte des kaijus ou des robots géants, oui, parce que Godzilla va affronter des robots géants. Voilà, c'est toujours la même trame. C'est un monstre. Il casse tout, il y a quelque chose derrière, il y a une raison. Après, le deuxième monstre arrive, soit Godzilla, soit un autre. Il se bat avec le monstre. Victoire du plus fort, ou alors de celui qu'on s'y attend pas. En général, Godzilla, hein, parce que ça reste lui la star. Et après, hop, retour à la maison du monstre qui a gagné. Et qui arrête de tout casser, voilà. Donc c'est toujours, toujours, toujours la même trame. Donc dans les films de Godzilla, on a eu donc, bah voilà, 1954, le chef-d'œuvre, plus une mise en abîme. Voilà, après King Kong contre Godzilla, Godzilla contre, bon, Mothra, King Ghidorah, Rodan. D'ailleurs, Rodan qui va avoir un lien particulier avec Godzilla, parce que c'est Rodan qui va sauver Godzilla Junior. On y reviendra un petit peu plus tard. Voilà, ce qu'il faut dire en fait dans la série Godzilla, c'est que comme on disait en première partie, surtout qu'avait annoncé Fabien très judicieusement, il y avait aussi la peur du communisme. Il y avait la peur du nucléaire et la peur du communisme. La peur du nucléaire, donc c'est carrément, voilà, Godzilla et les monstres, c'est des forces déchaînées, on peut rien y faire, faut les laisser s'entretuer, entre guillemets, et puis ben, de toute façon, nous on sert à rien. Et après, la peur du communisme, ben, quand ça commence à s'essouffler, ben, on amène des extraterrestres. Qui amène des monstres. Voilà, les monstres sont plus des forces de la nature, mais des monstres amenés par des extraterrestres. Moi, je pense qu'il doit y avoir une analogie, comme tu disais, avec le communisme ou avec l'invasion américaine, parce que les Japonais et les Américains, surtout années 80-90, on peut pas dire que c'était spécialement la grande entente. Et voilà, donc une armée d'extraterrestres qui arrive, qu'ils envoient un monstre sur Terre pour tout péter, et Godzilla qui arrive et qui sauve la situation. Ça devient la trame des films jusque. Même jusque Godzilla Millennium. Même jusque Godzilla Final War. Je peux aller jusque-là, ça devient carrément la trame de tous les films. Mais par contre, voilà, après, on nous montre Godzilla qui se bat toujours contre des ennemis de plus en plus puissants. Notamment Ghidra, qui représente la force de la nature qui a été domptée. C'est-à-dire que Ghidra, au début, c'est juste une force de la nature qui affronte Godzilla, donc contre Godzilla, contre Ghidorah. Et après, dans un autre film d'un ou deux ans après, là, ça devient une créature qui est manipulée par des extraterrestres. Et, alors, on ne sait pas si elle est créée, mais on sait que les extraterrestres ont un contrôle total sur sa créature. Et ça devient en fait la civilisation ennemie qui arrive à contrôler la nature. Et qu'est-ce qui peut arrêter la nature? Bah, en fait, la nature qui n'a pas été contrôlée, qui se venge. Godzilla est toujours. Le fait mâle alpha, comme il l'appelle. Non, prédateur alpha, comme il l'appelle dans le film de 2014, ça représente tout à fait l'esprit de Godzilla. C'est le prédateur alpha, c'est celui qui va gagner, peu importe les dégâts que lui va subir ou qu'il va faire subir ailleurs. Voilà, c'est un kaiju, c'est un dieu, c'est un monstre. Ouais, il n'y en a rien à faire des petits insectes qu'on est. Et après, bah, c'est tous les autres films Godzilla, donc de 66, 69, 75, 94, parce qu'il y en a quand même eu 29, je vais pas faire tout le listing, hein, ça serait pompeux, redondant. Donc on nous amène des nouveaux personnages, comme bah, Rodan. Alors au début, Godzilla va affronter Rodan, une sorte d'énorme ptérodactyle géant. Et voilà, match nul, hein, c'est-à-dire deux forces de la nature s'affrontent dans Tokyo, match nul. Et plus tard, dans les films, ce Rodan va revenir, parce qu'en fait, Rodan a eu tellement de succès dans le Godzilla versus Rodan, bah, qu'ils ont créé un film Rodan. Donc là, Rodan devient un peu comme Gamera, la tortue géante, une force de la nature. Mais Rodan ne présente, enfin Rodan ou Gamera représente pas un kaiju. C'est là où il faut faire. Ça représente un yokai. Alors les yokai au Japon, c'est des esprits, des forces de la nature, des esprits, mais qui ont une corrélation avec l'humain. Et Godzilla, lui, représente un kaiju. Alors comme yokai, donc il y a Mothra, Rodan, bah, Edora, Gigan. Enfin, Edora, c'est encore un peu plus compliqué. Faudrait que je revienne dessus aussi. Donc voilà, le Japon commence à faire l'aparté entre Godzilla. C'est lui, c'est une force, c'est lui. On tient un peu plus avec les humains, donc Mothra, Rodan, Gamera, King Kong aussi qui tient avec les humains, mais lui on le verra qu'une fois, hein, tellement que le film a fait un succès. Et après, on va s'attaquer à des problèmes de plus en plus conceptuels et actuels au fur et à mesure que les films vont avancer. Donc années 60-70, voilà les extraterrestres, je pense que ça fait un peu communiste. 70-80, on retourne sur la guerre froide, deux forces de la nature, une qui est contrôlée, voilà, faut pas contrôler la nature, ça fait penser aux bombes atomiques. Les US, enfin la guerre froide, tout simplement, entre les US et l'URSS. Et après, on va nous amener dans des concepts plus modernes, c'est-à-dire que, par exemple, on va avoir un Godzilla contre Hedorah, que je trouve que c'est un film qui est quand même bien fait, parce que c'est là, ça devient la pollution. Et dans les années 80-85, où Godzilla va devoir affronter un être issu de la pollution des humains. Et là, ça va parler à Fabien, parce que je vais lui dire que, en fait, Hedorah, c'est le Dragonosaure. Moi j'ai pensé au Dragonosaure aussi, ouais, comme dans les années 70, il y avait une série qui s'appelle Spectreman. Et il me semble que tous les monstres que créait le docteur Goro, si je me souviens bien, et ben, ils venaient de la pollution en fait, dans cette série. C'est pour ça que quand tu me dis pollution, bah, je pense aussi à Spectreman. Spectreman qui a été diffusé dans les années 70 au Japon, mais qui est apparu plus tardivement dans les années 80 en France, hein, en fait. Qui a fait un bide en France, mais Spectreman au Japon, c'est une institution. On peut pas comprendre. C'est un peu Johnny Hallyday chez nous, ils comprennent pas quoi. C'est bah, c'est dur à comprendre, voilà. Je peux pas dire mieux. Mais c'est vrai que Spectreman a d'ailleurs affronté des monstres issus de la pollution, donc voilà, de ce docteur. Mais il a aussi fait des petits caméos avec des monstres de chez Monsieur Godzilla. Bon, il a jamais affronté Godzilla, mais il en a affronté des monstres que Godzilla a affrontés. Donc pour revenir sur Edora, là on commence à toucher à quelque chose de plus pointu au niveau sociétal. Voilà, on parle de la pollution, c'est-à-dire qu'on est en train de transformer la nature. Donc là, Edora, au début, bah, c'est une bactérie. Voilà, juste une bactérie qui mute à cause de la pollution, qui mute, qui devient plus grande, encore plus grande, encore plus grande, et qui devient complètement un kaiju. Pour ceux qui connaissent Pokémon, on dirait un tas de morves avec plusieurs yeux qui en fait chier des briques à Godzilla pour le battre, quoi. Donc, comme quoi, bah, même la nature, à un moment, arrivera plus à se défendre si l'homme fait n'importe quoi. Donc, toujours une histoire de remise en question de l'être humain dans les films de Godzilla. Le grand méchant, en fait, c'est jamais Godzilla, c'est l'humain. Ouais, c'est toujours lui qui est à la base de tout, on peut le voir aussi. C'est un peu lui qui est en ce moment responsable un peu de la dégradation de la nature, hein. On peut se le dire aussi. Puis voilà, les Japonais sont taoïstes, hein. Si on embête la nature, je partage le même avis d'ailleurs. Si on embête la nature, elle va se venger, et elle va se venger quelque chose de bien. C'est voilà, c'est la mentalité taoïste japonaise, c'est que la nature, c'est on doit être en symbiose avec elle, on doit pas être en conflit avec elle. Bon, de la part d'un peuple qui construit à outrance des bâtiments de plusieurs centaines de mètres de haut, voilà, il y a quelque chose qui me gêne, mais voilà, c'est quelque chose de très ancré chez les Japonais. Si on embête la nature va se venger. Donc pour revenir dans la suite des films de Godzilla, donc voilà, il affronte des monstres issus de la pollution contre comme Hedorah, des monstres de plus en plus balèzes comme Ogra, par exemple, et qui se nourrit de l'essence vitale de Godzilla. Donc. Après, voilà, Godzilla après affronte des monstres issus des extraterrestres, mais qui sont plus des monstres, c'est-à-dire qu'à un moment Godzilla attaque Tokyo, les Japonais, la JSDF, la Japanese Self-Defense Force, essaye de se défendre contre Godzilla, et puis tout d'un coup, il y a Godzilla qui arrive, qui se bat contre Godzilla. Et on se dit, tiens, c'est quoi donc? Et puis Godzilla envoie son souffle atomique qui fait fondre littéralement l'autre Godzilla, et en fait, c'est un méca Godzilla, un Jaeger, quoi. Voilà, on va atterrir dans ce qu'on a raconté sur Pacific Rim. Allez écouter notre petite point de vue sur la bande-annonce. Donc voilà, on arrive à des trucs mécaniques. C'est-à-dire que là, les extraterrestres ont envoyé un méca Godzilla pour détruire la Terre, et en faisant croire que c'est Godzilla, justement, et qui veut détruire la planète. Et là, Godzilla bah, met une raclée à Mecha Godzilla. Voilà. Donc la force de la nature par rapport à la science. Voilà, c'est encore la nature qui gagne. Donc Mecha Godzilla qui reviendra dans Mecha Godzilla 2, hein, qui sera de toute façon le même sort. Hein. Là, pas de souci, Godzilla est encore plus fort. Mais c'est juste que là, il y aura une association entre Godzilla, Mothra et encore plusieurs monstres. Et qui vont, à plusieurs, cette fois-ci, un esprit de cohésion dans tous les kaijus, bah, qui va détruire ce Mecha Godzilla. Et après. Avengers, non? Ça fait plutôt Power Rangers. Sauf que là, c'est les monstres qui battent le robot. Et après, la technologie du Mecha Godzilla sera reprise par l'humanité et qui vont faire leur propre Mecha Godzilla. Bon, d'abord, qui vont faire Moguera, donc un robot géant en forme de. Bon, en forme de je sais pas quoi, hein, on dirait une sorte de panthère. Ouais, c'est ça, une panthère mécanique, je sais pas quoi, mais qui tient sur ses deux pattes. Voilà, et qu'ils essayent de battre Godzilla avec Moguera, et plus un Super Jet X qui a été encore dans un autre épisode et qu'ils ont recyclé. Et voilà, là, ça devient des films. Voilà, c'est des robots contre des kaijus. Ça devient la lignée Godzilla, tu vois, robot kaiju, robot monstre, etc. Mais il y aura toujours ces trucs-là qui vont être pris. En fait, on sort un petit peu du domaine fantastique pour rentrer dans la science-fiction à plein nez, quoi, là. Alors on rentre complètement Ouais. dans la science-fiction. Voilà, il y aura même des Mecha King Ghidorah, donc c'est-à-dire un Ghidorah, l'ennemi juré de Godzilla, son ennemi numéro un, qui sera rendu mécanique par encore un autre peuple extraterrestre, encore des extraterrestres. Et puis, ben voilà, au fur et à mesure des films, on aura des scènes assez abracadabrantes, hein, comme il y aura le bébé de Godzilla et de Mothra, qui sera Minilla et Godzilla Junior par la suite. Donc là, ça devient un peu plus dur à comprendre. C'est-à-dire que Godzilla va transmettre son savoir et sa force à son fils dans l'île des monstres. Oui, parce qu'entre deux, la JSDF aura tout plaqué les monstres dans une île où ils pourront s'entretuer entre eux. Jurassic Park. Ouais, enfin Jurassic Park c'était quand même mieux réalisé. Hein. Mais donc ça devient voilà, des films Godzilla avec un Godzilla Junior à un moment qui fait une cinquantaine de mètres de haut et dans l'épisode suivant même pas 5 mètres de haut et dans l'épisode d'après 1 mètre ou 2 de haut parce qu'il fait en fait une baston avec un autre kaiju mais aidé par un enfant. Alors là ça devient voilà, Godzilla commence à être repris en mode enfantin et Godzilla devient aussi commence à être repris en tant que Deus ex machina de certains trucs. On a par exemple un bel exemple de Godzilla contre Mégalon, donc encore des extraterrestres qui amènent un kaiju sur Terre. Et en fait, ce film était dû, normalement, devait s'appeler Jet Jaguar versus Megalon. Et en fait, Jet Jaguar, c'est un concours qui a été fait par la Toho. Dessinez-nous un nouveau super-héros pour remplacer Ultraman. Et donc, ils ont fait le Godzilla versus Megalon. Et la Toho s'est dit, bah, ça va jamais faire de blé, ce truc, on va jamais savoir exporter. Et là, ils nous ont collé Godzilla et Rodan et des autres monstres. Et à un moment, on a une scène abracadabranque où on a Godzilla qui discute avec Jet Jaguar. Donc, pas avec des paroles, mais avec des gestes de bras. Et on se dit, arrêtez de vous foutre de notre gueule, les mecs! On veut bien que c'est pour les enfants, mais même eux, ils vont se moquer. Donc voilà, après, on atterrit dans des Godzilla qui sont complètement nanardesques. Mais en même temps, on peut pas. Enfin, je veux dire, ils ont fait 30 films avec un truc qui a été épuisé au deuxième, quoi. Donc, voilà. Alors, il y a eu une hype qui s'est fait autour de Godzilla grâce aux Power Rangers. C'est là où on a commencé à se réintéresser à cet univers de Kaiju, donc dans les années 90. Donc après, bah, la Toho s'est dit, il y a du blé à se faire, et ils ont sorti des films un peu plus honnêtes, hein, des Godzilla un peu plus honnêtes. Bon, toujours les mêmes trames. À un moment. Alors oui, un film très bien, Godzilla contre Biollante. Donc vous allez voir jusqu'où ça va chez la Toho. Donc Biollante, c'est. Ils ont récupéré du sang de Godzilla, ils ont récupéré de la peau d'une rose, donc d'une fleur, et ils ont récupéré de l'ADN humain, on mélange tout ça, et on voit ce que ça donne. Donc les mecs, ça fait 60 ans que vous nous dites jouez pas avec la nature, et là vous nous faites un film où on mélange des ADN, et puis ça fait un monstre géant. De manipulation génétique, quoi. Voilà, et c'était en plein dans l'époque de la manipulation génétique où on a commencé à cloner le mouton. Donc voilà, donc les Japonais se sont appropriés le sujet. Moi, quand j'ai vu ce film la première fois, je me dis, bon, ça va être un nanar, hein, ça va être un truc genre The Thing, hein, le truc inconcevable. Et en fait, non, il y a de l'ADN humain dans Biollante, et Biollante devient littéralement une force de la nature bienveillante pour les humains. Là, c'est Godzilla qui essaye de péter Tokyo, et il y a Biollante qui pousse à la Groot, hein, ces jeux s'appellent Biollante, et qui commence à se battre contre Godzilla, mais avec une. Là, le combat dure longtemps, c'est poussif, mais c'est deux forces de la nature, dont une qui veut rien lâcher, Godzilla, et l'autre qui veut rien lâcher, Biollante. Et là, c'est l'humain, il sert à quelque chose parce que c'est un lien psychologique entre l'enfant et la mère qui fait que la mère arrive à prendre le contrôle de Biollante et à faire fondre complètement la plante. Voilà. Donc, c'est pas Godzilla qui gagne. Pour une fois, c'est la force de la nature qui a décidé d'elle-même de se calmer. Mais violente, c'est c'est. Il y a une forme humaine, il y a deux bras, deux jambes. Non, non, non, une forme de rosier. Ah, d'accord. Un rosier géant avec une gueule de dinosaure. Ouais, c'est un monstre complètement bizarre. On n'y croit pas trop. Et il jette de l'acide, justement, comme un alien. Ouais. Il jette de l'acide. Donc, pourquoi je parle de ce film? Bon, déjà parce que j'ai bien aimé. Mais aussi parce que, à partir de l'univers de Violente, ils vont commencer à recycler un peu. À faire un fil rouge tout du long dans la saga Godzilla. Parce que là, après, dans le film suivant, on apprend que les restes de Violante ont été emmenés dans l'espace par Mothra. Voilà, retour de Mothra. Et dans l'espace, elle a été déposée sur une planète pour mourir en paix. Dans cette planète, le sang a été récupéré par un organisme unicellulaire et pouf, ça fait Space Godzilla. Alors là, je vois Fabien qui est mort de rire. Faut que je lui montre le film parce que j'ai été aussi mort de rire quand je l'ai vu. Et là, c'est. Voilà. Donc, l'extraterrestre, c'est un Godzilla extraterrestre qui a des pouvoirs, il absorbe l'électricité de Tokyo. Alors, les humains arrivent à savoir qu'il se nourrit de l'énergie grâce à une tour de Tokyo, et personne pense à aller détruire cette putain de tour, quoi. C'est encore Godzilla qui doit s'en occuper. Et voilà, donc on a Godzilla contre le Godzilla de l'espace, où justement, le Godzilla de l'espace enferme le fils de Godzilla dans un truc de cristaux, parce qu'il sait faire pousser des cristaux abondamment. Il veut faire de la Terre un monde de cristal ou je sais pas Ouais, quoi. comme Krypton, quoi. Voilà, Ouais. donc ben voilà, une victoire finale de Godzilla qui arrive à le battre en éclatant la tour, hein, parce que apparemment il est très malin ce Godzilla, il a une intelligence. Et après dans les films suivants, ben avec l'ADN de Mecha de Godzilla spatial, et ben il y a d'autres monstres qui sont créés. Donc l'humain, qu'est-ce qu'il a retenu? Rien. Parce que même à un moment il crée un Mecha Godzilla humain, c'est-à-dire fait par l'humanité, avec les restes du premier Godzilla de 54 qui avait fondu dans l'océan. Voilà, donc on nous fait un Godzilla cyborg, enfin c'est un robot avec l'épine dorsale de Godzilla. Et puis, alors là c'est what the fuck quoi. C'est un moment, Godzilla est en difficulté parce que le robot est très puissant. Puis tout d'un coup on entend Godzilla qui fait grrrr, qui fait pitié, et puis tout d'un coup le robot s'arrête. Oui parce que l'épine dorsale est encore vivante et a pris le contrôle du robot. Donc voilà, après on n'arrive que dans des trucs comme ça. Des Godzilla en difficulté, il est pas assez fort et il y a toujours un truc qui vient et puis ah, ils se rendent compte que bah c'est pas bien ce qu'on a fait, on a manipulé le squelette de Godzilla et à la fin voilà c'est match nul, le squelette marche pas et Godzilla retourne s'en aller. Et donc on nous fait donc un Mecha Godzilla 2 où Mothra vient menacer l'humanité parce que vous avez piqué les restes de Godzilla, il fallait le laisser mourir dans l'océan. Et là Mothra devient méchant. Oh putain, ça tourne en rond les mecs. Et après c'est tout des séances comme ça qui tournent en rond. Mais tu vois, il y a un fil rouge. C'est-à-dire que bah dans ces années-là, il y a toujours une suite à ce film. Le film est toujours la suite directe de l'autre. Suite directe, suite directe, suite directe. Jusqu'à Godzilla Millennium. Donc voilà, ça tourne en rond. Ça tourne vraiment en rond. Les scénarios sont toujours les mêmes. Donc arrive la date fatidique de 2004. Je vous laisse faire le calcul. 2004 moins 1954. 50 ans. Pour les 50 ans de Godzilla, la Toho se fait plaisir. Ils l'ont dit clairement, hein. Si le film marche, c'est bien. Si le film marche pas, on se sera fait plaisir. Et arrive Godzilla Final War. Alors ça, c'est un film. N'allez pas le voir pour avoir une histoire. Hein. L'histoire, c'est pour changer des extraterrestres qui arrivent sur Terre et qui contrôlent les kaijus. Et le but du jeu, c'est de bah, péter l'humanité. C'est-à-dire, on envoie les kaijus aux quatre coins du monde. Et puis, bah, ils cassent tout. Et puis, qui arrive en grand sauveur de l'humanité? Godzilla! Le Godzilla japonais. Pourquoi j'insiste sur le Godzilla japonais? Parce que dans ce film-là, Godzilla se bat vraiment, je vais pas vous faire la liste, hein. Il se bat contre Rodan, Mothra, pas Violente, ça c'était bien, il se bat contre King César, contre Ghidra, contre les Kamakuras, contre l'araignée géante, il se bat vraiment contre tout le monde, il casse la gueule à tout le monde, il fait des prises de ninja à des monstres, hein. Et dans ce film-là, il affronte aussi Zilla. Alors je parie, vous connaissez pas qui c'est Zilla. Et ben en fait, la Toho a décidé que le Godzilla fait par Emmerich méritait pas d'être un Godzilla. Donc ils ont enlevé God. Ce n'est pas un dieu. Donc c'est Zilla. D'accord. Et là, Godzilla, dans une scène jouissive qui dure 4 secondes 30, explose la gueule à Zilla. C'est-à-dire que Godzilla envoie un coup de queue et l'autre est éclaté contre un bâtiment ou une montagne, je sais plus. Et en plus, le seul mal animé de ce film, c'est le Zilla américain. Je crois qu'ils ont voulu vraiment. Insister sur le fait que le Ouais, film américain n'était pas à la hauteur des films. ils ont pas aimé vraiment le film de Emmerich, ils ont pris ça comme trahison, donc ils se sont dit, bah lui, on va le balancer directement, vraiment, ils se sont foutu notre tronche, les Amerlocs, quoi. Et tu parlais de King César, mais c'est quoi ça, King César comme bestiau? King César, en fait, c'est un yokai, donc d'une taille colossale, qui est invoqué par la prière, et c'est un ninja. Un ninja de 100 mètres de haut. Donc en forme de chien ou je ne sais pas quoi. Et c'est lui qui, à un moment, a stop Godzilla, quoi. Donc tu vois, les taoïstes, hein, la nature nous sauvera. Et si c'est pas la nature, ce sera nos croyances. Il est habillé comme un ninja. Non, non, non, il Il a fait des armes des... avec des shurikens et... Non, non, il court comme un ninja. Il Ouais. fait... Tu vois, quand Jean-Claude Van Damme va contre un mur et qu'il fait demi-tour comme ça, Ouais. ben, il le fait. Ce monstre le fait. Ce kaiju Il le fait le fait. salto arrière, quoi. Il fait le Ouais. salto arrière. C'était Ouais. ouais, c'était un film oubliable. Hein. Il est même pas Ouais. sorti en France. Il est impossible, je pense, de le trouver en VF. Je suis même qu'en anglais, je suis sûr qu'il est aussi impossible de le trouver. Vous le trouverez qu'en VO, sous-titré anglais. Et donc, dans Godzilla Final Wars, là, c'est l'ato. Voilà, c'est un film Godzilla. C'est-à-dire que les acteurs surjouent. Mais alors, surjouent. Voilà, comme dans un Super Sentai. J'avais l'impression de voir Zordon à un moment, donc j'étais Ouais, content. c'est ça. Et en fait, voilà, c'est le film jouissif, fan service à fond. Cherchez pas une histoire, vous n'allez pas la trouver, où Godzilla casse la gueule à tout le monde. Ouais, bon, donc dans cette période japonaise, t'as encore des films à signaler. Ah oui, celui de 2016, bien sûr. Voilà, donc avant de parler du film 2016, moi je vais parler du film américain, donc de 2014. Ouais, mais t'as pas parlé de celui de Emmerich aussi, là, celui de Ben, alors 98. je vais parler celui de 98. En fait, celui de Emmerich, les Américains se sont dit, tiens, les Japonais, Godzilla, ça fait des entrées, c'est bizarre, ça ramène beaucoup de pognon au box-office. On va essayer de faire pareil. Bon, les mecs, vous avez fait beaucoup de pognon, mais le film était raté. Hein. Les clichés racistes sur les Américains et sur les Français, on y a eu le droit. Hein. Puis en plus, le Godzilla, bon, il était bien fait, mais il était pas impressionnant comme un Godzilla japonais. Et puis, la manière dont il est battu à la fin... Ouais, ça m'a laissé un peu pantois. C'est pas un film... Jamais, j'ai passé un bon moment. C'était agréable, c'était marrant. Voilà, c'est un film qui m'a fait passer un bon moment. Bon, si Mais un film oubliable. je Voilà. peux, je peux donner mon avis de ce côté-là, c'est que bon, je l'avais vu au cinéma ce film. Bah, la première fois, j'avais passé un bon moment, j'avais trouvé ça très bête parce que les personnages sont idiots. On se souvient notamment de la caricature que de Jean Reno qui donnait sur les Américains. Le chewing-gum, par exemple, le sketch du chewing-gum, c'est quoi? C'est américain. Ah bon, bah, c'est tout. Oui, ou le sketch dans l'hôtel, hein, Ouais, où il ouais. mange des croissants, quoi, enfin... Ouais, enfin, c'était un petit peu affligeant au niveau personnage. Il y avait quelques belles scènes. On peut pas dire que le monstre était mal animé. Par contre, pour moi, c'était pas physiquement, c'était pas Godzilla pour moi. C'était plus une espèce d'ersatz, de T-Rex, de Jurassic Park quelque part. Il y avait quelques scènes et puis bon, c'est vrai que la fin, je ne sais plus bien comment il termine, mais c'était pas terrible. Il est entouré de câbles, c'est ça? Voilà, ils arrivent à Ouais. le coincer dans un pont, enfin ils se coincent tout seuls dans un En pont, fait, ouais. donc c'est Donc, à New York, enfin bref, dans le pont de ouais. New York avec tous les câbles, puis Ouais. bah voilà, ils le Et finissent puis quoi. il meurt tout d'un coup et tous les hélicoptères ils balancent dessus alors que je ne sais même pas s'il y a une scène avec l'épine dorsale d'ailleurs dans ce film. Bah, il m'a tellement marqué que je suis... Non, il y a un moment, ils crachent du feu, Ouais mais quand c'est ils tout sont en quoi. taxi, mais c'est tout. Il n'y a pas le mythe de l'épine qui se met à devenir lumineux et à... C'est vrai que il y a une scène qui est impressionnante, c'est quand il arrive en fait. On voit les épines qui traversent l'eau et il défonce tous les rebords, t'as l'espèce de pêcheur japonais là, qui court, et puis t'as le monstre. Je vais dire quelques beaux plans, mais c'est quand même assez oubliable comme film. Bah c'est un film oubliable. Ça a eu le mérite de relancer la licence Godzilla. Les gens ont voulu en savoir plus. Enfin, moi, j'en savais déjà, mais ça a relancé un petit peu un engouement vers Godzilla. Le film est oubliable. Les effets sont corrects. Hein. Le scénario est convenu. Ouais, C'est voilà, c'est un c'est ça. scénario convenu. C'est un blockbuster américain. Histoire de dire de mettre la mention Godzilla sur un film. Après, bon, voilà. Bah justement, en parlant des capacités de ce Godzilla-là, il crache du feu. Mais c'est vrai que contrairement au Godzilla japonais, parce que les super pouvoirs du Godzilla japonais, il faut s'accrocher quand même. Hein. Donc il a le souffle atomique, il a une résistance à toute épreuve, il peut résister aux impacts nucléaires, et surtout, c'est Wolverine, c'est-à-dire que il peut guérir des blessures très très graves. Oui, auto-régénération. Et il y a un facteur guérisseur très développé. Donc là, le Godzilla de Emmerich, non, c'est un saurien, c'est un grand saurien, un grand Ouais, varan qui a c'est muté. une espèce de dragon, quoi. Ouais, un dragon de Komodo qui a muté durant C'est les ça. essais nucléaires, voilà. On explique beaucoup par le nucléaire, bon, voilà, c'était le seul lien qu'il y a avec le nucléaire. Ça a le mérite de faire connaître la licence, mais pour moi, ce film est... Bon, c'est une distraction, c'est pas vraiment un film, c'est une distraction. C'était pas mauvais, c'était pas bon, c'était entre les deux, Ouais, à part les c'était clichés racistes. que on va enchaîner sur le Godzilla de 2014. Donc le Godzilla 2014... Celui qui lance le Monsterverse, en fait. Voilà, qui lance le MonsterVerse, et surtout que ça a été fait un peu plus intelligemment et aussi malheureusement bêtement. Parce que voilà, là, le film de Godzilla 2014, moi je sais plus le nom de l'acteur moi qui a joué dedans. Alors c'est un film qui est signé Gareth Edwards, et l'acteur qui jouait dedans, il y avait le jeune Aaron Taylor Johnson, qu'on avait vu en Quicksilver dans Avengers d'ailleurs, et il y avait aussi Bryan Cranston au début, qui est le héros de la série Breaking Bad. Pour moi, c'est pas un film Godzilla, enfin c'est Godzilla qui sauve la situation, mais c'est plus un film sur les personnages. On a des personnages et on a une histoire parallèle de Godzilla qui se bat contre deux mutants. Pour moi, c'est plus ça. Pour ça, ça a été une erreur qui a été corrigée dans King Kong, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup plus King Kong, le personnage central. Dans King Kong, c'est King Kong, c'est pas les quatre blaireaux qui sont sur l'île, c'est King Kong. C'est Là, pas Samuel Jackson qui est déchaîné, quoi. voilà, c'est Samuel Jackson qui fait du Samuel Jackson. Donc dans King Kong, ça a été bien repris. Ça a été, voilà, on a été voir un film, le Kaiju, c'est King Kong. Dans ce film-là, on suit plus une histoire d'un mec qui essaye de retrouver sa famille, qui se retrouve embrigadé dans une histoire qui le dépasse, et qui va essayer de faire au mieux pour résoudre le problème. Des scènes de combat quand même, voilà, fan service à fond, mais qui se laisse regarder. La scène avec les mutos, malgré qu'elle dure pas très longtemps, moi personnellement, ouais, c'était jouissif, hein, y a pas de souci. En plus, ouais, Godzilla. Ouais, quand même en difficulté, ça va. C'est ce que c'est aussi dans l'esprit japonais. Et ça pourrait être une force de la nature. Il y a quand même difficile face à deux adversaires qui le dépassent. Bon, après, le fait que Godzilla soit le prédateur alpha et que tiens, il y a deux kaijus, je vais leur péter la gueule parce qu'ils se sont réveillés. Bon, c'est mal amené, quoi. Bon, après, voilà, on n'a pas fait non plus les erreurs de nous dire il y a un kaiju qui se déplace. Oh, tiens, il y a Godzilla là par hasard. Bon, ça va, ça permet d'avoir un petit peu un background derrière. Le film de 2014 a relancé. Bah, fait quand même pas mal d'entrées, hein, faut dire ce qu'il faut. On va pas dire qu'il est mauvais, mais le problème c'est qu'on voit pas assez Godzilla, quoi. Il est très claustrophobe pendant ce film. Moi, j'étais Ah ouais? très des scènes de nuit bah, Ah pour oui. effacer les erreurs des animations. Hein, ça, c'est normal. Après, voilà la petite reprise de Emmerich, hein, de la créature pond des œufs pour se multiplier sur Terre. Ah, le muto, ouais. Ouais. Mais bon, moi si je peux. Bon, il y a quelques plans qui m'ont retenu parce que il y a un plan que j'adore, c'est quand on le voit pour la première fois, c'est-à-dire qu'on voit pas, on voit pas complètement le bestiau, on voit pas une grosse patte, on voit déjà quelle échelle il représente par rapport à l'espèce humaine, et ça c'est très bien fait quand on est au cinéma. Après, ce que je reproche, c'est que bah, ouais, il est souvent dans le noir, donc on a un petit peu du mal à le discerner. Il y a aussi cet esprit, je dirais, de faire un peu du Cloverfield, c'est-à-dire la créature dans le noir qu'on voit de loin, qu'on filme d'en haut, qu'on filme. Il y a pas beaucoup de contre-plongée, je trouve, dans ce film. Et bon, on sait que c'est il est massif, tout ça. Et puis finalement, bon, le mec vient, il casse la tronche aux mutos, qui sont assez balèzes d'ailleurs. D'ailleurs, on voit plus les mutos que le Godzilla dans ce film. Et on voit plus les mutos que le Godzilla. Les mutos sont bien faits, hein, là n'est pas le problème. Je suis pas sûr que Godzilla était au niveau des mutos. Donc bon, il les a battus grâce ben, au Deus Ex Machina de son souffle atomique. Et moi, je m'attendais pas à le voir quand même dans le film. J'étais très surpris de le voir, le souffle atomique. Et les mutos sont bien réalisés, mais c'est vrai que là, il est bien en difficulté. Donc ça, c'était bien amené. Pas nous montrer un truc comme dans les films japonais. La toute puissance de Godzilla qui dépasse des fois l'intelligence des humains, ça c'est quelque chose qui m'a un peu plus choqué. Et là dans ce film, il est plus bestial, là. Il est vraiment bestial, c'est un Godzilla bestial. Et oui, quand il met sa main sur le pont, on se rend bien compte qu'on est ridicule à côté. Même quand il soulève la vague et que les bateaux tirent dans tous les sens, du coup. Ouais, ça fait un rappel au tsunami qui s'est passé en 2004. Bon, je sais pas si c'était prévu pour faire un rappel, moi, si, mais moi en tout cas ça m'y a fait penser. Après, c'est un film quand même, moi, bah, que je peux conseiller. Bon, je suis parti pris, hein, c'est un film de Kaiju. Donc Il n'y a je pas peux le. d'objectivité là-dedans, je le Voilà. sens tout de suite. Ah, cherchez pas de l'objectivité avec des kaijus chez moi, vous n'en trouverez pas. Sauf Mazinger Z. Donc voilà, le film Godzilla de 2014 lance le MonsterVerse. Et donc les Japonais ont surfé là-dessus en créant le film Godzilla Resurgence de 2016. Ils ont voulu rester en fait dans leur optique japonaise, hein, beaucoup de parlotte. J'ai eu l'impression de regarder un manga mais tourné en live, tout simplement. Bah moi, ce que je déplore le plus dans ce film, c'est le côté bavard, je te l'ai dit. Bah Godzilla, il arrive, en plus, il y a différentes phases de transformation qui sont quand même assez ridicules. Alors, on rigolait de l'aspect primaire, je veux dire. Cette espèce de dindon avec ses gros yeux et ses petites pattes, là, quelle horreur. Et puis, ouais, je te dis, les scènes de parlementation, les mecs qui se tergiversent pendant des heures. Puis après, il arrive en pleine ville, il commence à tout défoncer, et puis tout à coup, c'est le concert de Jean-Michel Jarre, quoi. Et Godzilla qui tire des lasers, et par la bouche, et par la queue, et par ses épines dorsales. Moi, je veux bien que c'est toujours what the fuck au Japon, mais alors là, c'était trop, c'était too much. On avait l'impression qu'on allait entendre la musique de Jean-Michel Jarre derrière, vraiment, quoi. Parce qu'à un moment, ils sont sur une estrade, les Japonais, là, en train de coordonner les opérations, puis t'as tous les lasers qui sont derrière. Je dis, bon, bah, ok, hein, les mecs. Hein. Ah, puis, comme j'ai dit lors de notre critique des worst-of Ouais. de l'année 2017, Ouais. il y a un moment, on peut détruire Godzilla avec nos super hélicoptères, mais non, il y a deux péquenauds qui traversent un passage piéton. Ouh, on arrête tout. Ouais, d'accord, prenez-nous pour des cons. Bon, Non, enfin, bref. non, je le conseille pas du tout, franchement. Non, je le conseille pas non plus. Et pourtant, Et c'est pourtant, Godzilla. t'es objectif. Bah, c'est ça le problème, c'est que Godzilla, voilà, là, ils ont fait too much. Je veux bien qu'on a tout raconté sur Godzilla, mais là, en plus, il a la gueule qui s'ouvre encore en deux, donc en quatre, pour devenir encore plus laserifiant. Il tire des lasers par la queue. C'est pas Rocco Siffredi non plus, c'est Godzilla, hein. On n'est pas encore là-dedans, Voilà. ça. Bref, Suite 2016 pour moi est un film raté. Il est encensé hein, par les fans hardcore, mais bon, enfin, voilà, pas par moi en tout cas, qui Non, suis mais pourtant un bon, fan hardcore. quand t'as un film à faire un film qui est bête, moi je suis désolé, mais c'est un film, c'est le comble de la bêtise, ce film, pour moi. Pourtant, l'idée était bonne, on va mélanger les anciens effets, les nouveaux effets. Mais ils ont raté les effets. Bon, cette transformation, c'est quoi ce machin? J'ai C'est eu horrible, l'impression tout d'un en coup qu'on plus c'est passait mal sur fait. Canal+, que c'était flouté, et hop là, un monstre apparaît. Ouais, c'est vrai, en plus je sais pas comment il passe, je pense qu'il passe d'une forme à l'autre, c'est assez soudain, il n'y a même pas de transition, je pense. Non, pas de transition. Voilà, il claque des doigts et paf, je deviens sur Ouais. mes deux jambes. Et on nous l'amène comme une merde sur une planche. Hein. Ah, il y a un monstre marin dans le machin, et il Ouais. arrive. Et pourquoi il arrive? Où il va? Qu'est-ce qu'il veut? Il y a même pas d'explication pourquoi il sort de l'eau. Bon, on cherche même pas à savoir, on Ouais. récupère juste son sang pour trouver un moyen de le réfrigérer. Non, visuellement c'est moche en plus. Ah, visuellement, il y a du boulot. Hein. Enfin, Ah je veux ouais. dire. Pourtant, quand on regarde Devilman ou des trucs comme ça, visuellement, ils savent faire des trucs, les Japonais, hein, donc on Ah peut ouais. pas leur reprocher ça. Là, c'est raté. C'est un film qui. Je pense qu'il va peut-être clore les films kaiju de ce type, parce que maintenant, on va plus arriver dans le MonsterVerse américain. Là, ça va développer, c'est clair. Un film raté. Donc voilà, la Godzilla, bah, toujours la même histoire. Donc, soit il se bat contre un kaiju, soit il se bat contre un yokai, soit il se bat contre un, on va dire, un Jaeger, alors, un robot géant. Ouais. Ou soit il se bat contre tous à la fois, hein, ça ne les ferait pas plus que ça. Donc Godzilla, monstre imposant, force de la nature. Voilà, des films pour un nanardesque et enfantin, parce que ça a été récupéré pour faire du blé en fait. Hein. Quand on avait des monstres de kaiju à faire, on dit bah, on va mettre un Godzilla comme ça. Le public va venir, et le pire c'est que ça marche. Voilà, un peu après, une mascotte pour les enfants aussi, un hein, Godzilla. Aborder, je veux dire, le volet comics et dessins animés. Et ben justement, on va aborder après dans une partie, en faire une petite interlude, ou un petit interlude. Et on va attaquer une petite partie là qui va plus se centrer sur les spin-offs et le merchandising autour de C'est Godzilla. ça.